fragilité, fatiguées par l'été. Elles attendent le jugement dernier, avec la lourdeur du condamné à perpétuité. C'est la fin de l'été, les grosses mouches empotées, on se fait écraser. C'est là leur destinée, c'est la fin de l'été. C'est la saison des mouches molles écrasées, c'est la fin de l'été. C'est la saison des mouches molles écrasées, drôle de destinée. Pour cette empotée qui ne peut éviter l'attaque fatale que j'ai portée. Entre la vitre et le papier, elle s'est transformée. C'est la fin de l'été, les grosses mouches empotées, on se fait écraser. C'est là leur destinée, c'est la fin de l'été. C'est la saison des mouches molles écrasées, c'est la fin de l'été. C'est la saison des mouches molles écrasées. C'est la nord-destinée.